j'ai un problème, j'ai 20 ans mais pas de philosophie. Si les petits font du rap, parce qu'aujourd'hui elle va s'appeler aux filles. J'ai pas duré apparemment, j'ai pas la panoplie. Et si ça marche pas, bah j'ai réduit l'album aux petits. Fallait que je te dise, pas qu'ici ça pue toujours la merde. À force on pète les plombs, on en a marre de trimer pour voir la merde. C'est clair, j'ai vu que le monde est rien face à l'univers. Pour marcher sur les gens, pas besoin d'avoir la taille à l'univers. N'oubliez pas, j'suis pas là pour faire bouger vos culs. Ma vie a trop de soucis, mais j'suis pas là pour raconter ma vie. Il y en a marre des patrons et leurs banques d'intérim. De toute façon, ils ne changeront pas, ne confond pas avec un Playmobil. Faut que je t'avertisse, dans mes clips, le rap va être plein net. Mais si tu kiffes le son, une chose à faire, t'as plus qu'à m'appeler mec. J'ai faim de couper, faut que je pose le frein, mais j'ai le son coupé. Pour 2010, je débarque, j'ai plus le temps et vous écoutez. Nous n'avons plus de temps à perdre. Pas la main, dis-toi que le soleil se couche sur notre destin. Parce qu'on en demande encore. La vie c'est rude quand elle me maintient entre deux cordes. Y'a le bien et le mal, pour ma part j'sais pas où se trouve le bon. C'est quand plus en plus je m'éloigne que je tombe sur ce côté immonde. Le monde est caché, j'y fais face comme un homme sorti de l'ombre. Droit dans mes affaires, je m'efface comme une rature qu'on inonde. Le temps peu à peu perd son art mal fait. Je laisse couler l'angle pour les refrains si vrais. On sait tous qu'avancer nous permet de rattraper toutes nos peines perdues. Alors on persiste sans lâcher la pression. Faire comme si rien nous bat, la route et ses directions. Direct, je bats qu'un son. Tu vois ce que je fais dans mes chansons. Nous n'avons plus de temps à perdre. Madame, dis-toi que le soleil se couche sur notre destin. On perd l'amour et nos rêves. Madame, bats-toi, ne vois-tu pas? Réagis, lève-toi, construis ton lendemain. J'ai une fin de goût, mais le rap fais pas manger. Quand je serai anorexique, je comprendrai que je suis en danger. Pour tout dire, j'ai plus le temps, même pour rigoler. Les gens disent je suis casse-cou comme une casserole avec du riz collé. Moi j'en ai marre, les gens croient que j'ai la vie d'artiste. Parce qu'ils m'écoutent pas, j'ai l'impression de parler à des autistes. Je m'habille en couleur comme les imprimantes. À force d'avoir un noir et blanc, ouais ça devient déprimant. Moi j'en ai marre de trimer pour voir le bout du tunnel. Je veux contrôler ma vie, manipuler comme la polichinelle. C'est la merde, c'est encore pire quand la police y mêle. Se sent-tu de mon label, mon trip débarque avec une vie en belle. J'ai plus le temps de déconner, mais j'y vais tranquille. Moi j'attends le feu vert comme la NASA, je suis prêt à décoller. Moi j'en ai marre, aujourd'hui bah faut être diplômé. Le hip-hop mon royaume, mais je suis pas prêt, ouais de me détrôner. Nous n'avons plus de temps à perdre. Madame, dis-toi que le soleil se couche sur notre destin. Bats-toi, ne vois-tu pas, réagis, lève-toi, construis ton lendemain.